DJ de contact te fait glisser sur 7 heures de mix en non-stop. C'est le Christmas Mix avec les sets de Malcolm B, Space Morrison, Tom Snare, John Dalbach, David Vendetta. C'est le Christmas Mix. Maintenant, session Malcolm B. I just wanna be free. Sell me. do that. Don't go too far. Give me a big smile. You should try to let it hard. Don't bring up these things. You talk too much. People are watching. What will they think about us? Yeah. Cheers. Christmas Mix. Christmas Mix. Sur Contact. Session Malcolm B. Malcolm B. We'll be right back. Christmas Mix. Au platine, Malcolm B. We'll be right back. Christmas Mix sur Contact. To fly so high, direction sky. non-stop. Thank you. Christmas Mix. Au platine, Malcolm B. Yeah!

Christmas Mix revient dans un instant sur Contact. Contact dans le Nord à Ronc 91.4. Alors, monsieur le directeur, l'anniversaire de votre petit Julien au Lille Karting. Ah, génial, ils se sont bien amusés, les enfants. Tiens, ça me fait penser, notre prochaine réunion... Mais monsieur, on est plus de 120. Mais Valérie, il y a tout ce qu'il faut, Lille Karting. Salle d'accueil, une piste intérieure, une extérieure. Ils peuvent recevoir jusqu'à 350 personnes. Séminaire, réunion d'entreprise, Lille Karting, centre commercial Anglo. 0320 17 60 80. Sur le net, lillekarting.com. Outdoor ou indoor, faites du karting. 08 92 23 00 03. Vous vous interrogez sur l'amour, l'argent, la santé, le travail? Pour une consultation privée par téléphone, appelez le 08 92 23 00 03. 7 jours sur 7, de 9h à minuit. 08 92 23 00 03. Voyants et médiums répondent aux problèmes posés et vous orientent sur vos choix. 08 92 23 00 03. Édité par Temporel, 34 centimes d'euros la minute à partir d'un poste fixe. Pour les mobiles, renseignez-vous auprès de votre opérateur. C'est Noël avant l'heure chez Renault Dianor à Ronc. Jusqu'au 24 décembre, profitez de prix très cadeaux sur les véhicules de démonstration. Pour 1 euro de plus, repartez avec le tout dernier GPS Nokia d'une valeur de 329 euros. Ou la superbe voiture électrique Renault d'une valeur de 229 euros. Renault Dianor, c'est aussi la reprise de votre véhicule, quelle que soit sa marque. Et des possibilités de financement sur place. Chez Renault Dianor, le Père Noël pense aussi aux grands enfants. À Ronc, autour de Gand, sortie sans commercial. Énorme. Une star te dit de décrocher. Tu peux décrocher ton téléphone, s'il te plaît. Envoie énorme au 83838. Ma biche. Allez, on décroche le téléphone. Pour les imitations de stars les plus étonnantes. Et décroche vite ton téléphone parce qu'il sonne, là. Envoie énorme au 83838. Hightech Mobilisto, 1,50€ par SMS plus prix du SMS. Explosé. Explosé. Décapant. Décapant. Tonitruant. Noël sera décalé au Purple. Mardi 25 décembre, soirée 100% techno. Guest DJ. Jimmy DL, DJ LB, gros son frénétique avec deux pointures du son techno belge. Jimmy DL de Lagoa, DJ LB du Captain. De quoi te faire transpirer jusqu'à l'aube. Soirée 100% techno, mardi 25 décembre. Jimmy DL de Lagoa et LB du Captain en guest. L'entrée gratuite, joyeux Noël, à Loison-sous-Lens, route de Lille. Le purple-club.com. your head now, shake it down, work it right. Right after this, you'll be mine, alright. Will you be mine? Let you be mine.

www.contactmusique.fr dans la rubrique radio. Contact. Pour les hommes qui aiment les femmes, un seul numéro pour le nord de la France. Le 0892 39 40 41. Une rencontre pour ce soir, un amour pour toute une vie. Qui sait ? Sur le 0892 39 40 41, tu seras mise en contact avec des femmes qui cherchent à faire des rencontres. En plus, tu pourras leur parler en tête à tête sans te dévoiler. 0892 39 40 41, c'est facile à retenir. Par SMS, envoie plus au 61 500. 35 centimes plus un SMS. Le sexy Père Noël, vous y croyez ? Alors attendez un peu de voir la Mère Noël. L'hiver est chaud au Purple. Lundi 24 décembre, Père Noël et Mère Noël vous surprennent avec un striptease à couper le souffle. Attention les yeux, une bouteille de champagne à gagner toutes les heures. Lundi 24 décembre, brancard avec Père et Mère Noël pour un réveillon des plus torrides. Rassurez-vous, ils ne viennent jamais au Purple sans leur hôte. Distribue le cadeau all night long. Le Purple à Loison-sous-Lance, route de Lille. Entrée gratuite. Plus d'infos, lepurple-club.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération. Vous cherchez le grand amour ? Envoyez Perso, P-E-R-S-O, au 7-10-30 et dialoguez par SMS avec un conseiller astral. Perso au 7-10-30. Perso au 7-10-30. Nous guiderons vos pas vers l'amour qui vous est destiné. Perso au 7-10-30. Selfish, 50 centimes par SMS hors coût d'envoi. Ce mardi 25 décembre, rendez-vous tous en tremplin. Pour la toute première fois, venez assister à l'élection de Miss et Mister Noël Nu sous une tempête de neige géante. Venez voir le tout nouveau cocktail du tremplin, Miss et Mister Noël Nu sous une quantité phénoménale de neige. Miss et Mister Noël Nu sous la neige, encore plus sexy, encore plus glamour, vous donne rendez-vous au tremplin Basse Loisirs Nord à Neuilly-les-Mines ce mardi 25 décembre. Et attention, ce lundi 31, ouverture des portes du tremplin dès 21h. Entrée 15€ avec conso et DJ Gave et ONG au platine. Chat en direct par SMS 24h sur 24 avec les connectés de ta région. Envoie UNIR, UNIR, suivi du numéro de ton département au 62 333. Par exemple, t'es dans le Nord-Pas-de-Calais, envoie UNIR 59. Envoie UNIR, suivi du numéro de ton département au 62 333. Selfish, 35 centimes par SMS hors coût d'envoi. Contact. Merci d'écouter Contact. Passez une bonne soirée. Serenton, je vous accompagne jusqu'à 23h. Et là, on passe à votre météo pour demain, mardi, dans le département du 59. Et demain matin, on va se les geler, mais sévère. Côté température, de moins 5 à moins 3 degrés. Le temps sera malgré tout assez sec. Hein. Pas de nuages, un grand soleil. C'est un minimum. Hein. Il y aura également côté après-midi un temps sec. Et pour l'après-midi, côté température, de 1 à 2 degrés. Contact. C'est le Christmas Mix. Christmas Mix en non-stop. Everybody sing with me now, girl. Hold on. Steady missing with my future. accentuates all of your curves. And girl, you know I'm liking all the things you're doing, especially when the mother girls were checking out your moves. And girl, I wanna end the way you're turning me on, I can't even begin. You're so hot that you can trade out of the kitchen. When you dip it down low, girl, we're tripping, cause no other guys were looking at you. Cause you're so damn fine, really blows my mind. Girl, it's all about you, so what we gonna do? Get on the floor, no need to hold back. Sexy, don't mean to squirt stilettos, I'm shaking all that. What you doing to me, girl, I can hold back. It's all that I need, so why we waiting? Get on the floor, no need to hold back. Sexy, don't mean to squirt stilettos, I'm shaking all that. Hands all up my back with my arms wrapped around your waist. And temperature be rising, be straight hypnotizing. Ain't no time for talking, girl, let's keep this whole thing moving. Know what I'm saying? Up in here we be just straight up misbehaving. Girl, you're making me hard, what I'm feeling. Especially when you spin around my, I'm not even playing. So many things I wanna do, you made me wanna go home with you. So maybe girl, you like to think it through, but right now it's all about me and you. So get on the floor, don't need to hold back. Sexy, don't mean to squirt stilettos, I'm shaking all that. What you doing to me, girl, I can hold back. It's all that I need, so why we waiting? Baby, you're so high, but you're making me feel. Let's dance, shaking what you got in the stiletto heels. So real, yeah. You're so bad that I'm baby, please don't turn away. No, no, no. Cause I can't think of a better time to say. Get on the floor, don't need to hold back. Sexy, don't mean to squirt stilettos, I'm shaking all that. What you do to me, girl, I can hold back. It's all that I need, so I will. Sexy, tell me this gets the letters, I'm shaking all that. What you doing to me, girl, I can hold that.

Malcolm B au platine. Christmas Mix sur Contact. Yeah.

Contact. Bouge pas. Le Christmas Mix revient dans un instant sur Contact.